Chapitre 8e. Le navire qui emmenait Iko Teruka au Cap Saint-Jacques employa toute la nuit à faire le trajet en marchant à petite vitesse. Iko Teruka, bien qu'il fût très fatigué, se gardait bien de se laisser aller au sommeil. Il devinait qu'il était environné de périls. Grâce à la perfection de son déguisement, il espérait avoir dérouté ce qu'il cherchait, mais il n'en était pas sûr du tout. Enveloppé dans une couverture, il passa la nuit, étendu contre un roufle, dans une chaise longue de rotin, sous une des ampoules électriques éclairant le pont-promenade du petit vapeur. Plusieurs fois, des ombres s'approchèrent de lui, des passagers chinois. Iko Teruka, sans en avoir l'air, les dévisagea, mais ne les reconnut pas. Était-ce de vulgaires passagers ou bien faisait-il partie de la bande du mystérieux Heng? Iko Teruka ne put le savoir. Au jour, le bâtiment jeta l'ancre au milieu de l'estuaire du Dong Nai, devant le Cap Saint-Jacques. Iko Teruka débarqua aussitôt. Tandis que le sampan dans lequel il avait pris place l'emportait vers le rivage, il put voir qu'un autre navire était à l'ancre. Il interrogea le sampanier et apprit que ce navire se nommait le Tongsi et appartenait au riche Hwasong. Iko Teruka, poursuivant son interrogatoire, sut aussi que le Tongsi était arrivé de Saïgon quelques heures auparavant et allait repartir dans la matinée pour Kingcheou, un petit port de la Chine méridionale. Iko Teruka se demanda comment faire pour se rendre à bord et surtout pour savoir si Jinzo Mitsui s'y trouvait. C'était bien difficile, car si, comme le supposait le grand détective japonais, Mitsui Jinzo était sur le Tongsi, il devait sûrement être dissimulé dans quelque recoin secret. Pendant que le policier réfléchissait ainsi, le sampan dans lequel il avait pris place s'était rapproché de la plage. Il accosta le long d'un petit appontement de bois. Iko Teruka sauta à terre et s'éloigna après avoir jeté quelques cents au sampanier. Dans les rues, il remarqua une agitation qui lui parut insolite. Il interrogea un gros chinois qui passait et apprit que les indigènes étaient en rumeur parce qu'au lever du soleil, la police avait découvert, étendu sur la grève, le corps à demi dévoré par les requins d'un jeune japonais. Iko Teruka eut un pressentiment sinistre. Il courut au bureau de la police, y entra et demanda à voir le corps du japonais. On le lui montra. Du premier coup d'œil, il reconnut les restes de Mitsui Jinzo. Pourquoi ses complices l'avaient-ils tué? Et l'avait-il vraiment tué, ou bien était-il tombé à l'eau et avait-il été mutilé par un requin? Iko Teruka, que le secrétaire du commissaire de police, le prenant pour un anamite, interrogea pour savoir s'il ne reconnaissait pas le mort, répondit qu'il ne l'avait jamais vu et sortit. Mais une fois dans la rue, il lui sembla que deux Chinois maigres et hâves, qui stationnaient devant la porte du commissariat, le regardaient avec insistance. Il fit semblant de n'avoir rien vu et s'éloigna à pas tranquille. Son premier soin fut de s'enquérir s'il n'y avait pas de navire en partance pour Haiphong. Il apprit que le courrier postal allait arriver de Saïgon une heure plus tard et repartirait aussitôt pour Haiphong. Iko Teruka courut à l'agence de la compagnie et prit un billet de passage. Après quoi il alla se promener sur la plage et put assister au départ du Tongsi et à l'arrivée du Guadiana, courrier postal français. Iko Teruka s'embarqua peu après à bord du Guadiana qui au cours de la matinée prit la mer et dépassa le Tongsi. Iko Teruka avait son idée. Il était persuadé, par différents indices, que Heng et sa bande devaient se trouver à bord du Tongsi. Mais Iko Teruka, n'ayant jamais vu les bandits, n'aurait pu les reconnaître, et il n'avait aucune preuve contre eux. Il voulait les rejoindre, découvrir où ils avaient caché leur butin, et les faire tomber dans quelques pièges savamment combinés. La traversée du Guadiana s'accomplit sans incident. Aussitôt arrivé à Haiphong, Iko Teruka fréta un sampan qui, en quelques heures, le conduisit à Kingcheou, un petit village de pêcheurs chinois. Iko Teruka, qui s'était lui-même déguisé en pêcheur, put, quelques heures plus tard, voir arriver le Tongsi qui jeta l'ancre à moins de 500 mètres de terre. Comme c'était la nuit, personne n'en débarqua. Iko Teruka, s'étant tendu le corps d'huile et ayant placé un poignard entre ses dents, se mit à l'eau et nagea sans bruit vers le petit navire. Grâce à l'obscurité, il réussit à l'atteindre sans être vu et grimpa à bord en s'aidant d'une corde qui pendait du couronnement. Il vit un sabord ouvert et constata que la cabine dans laquelle il donnait était déserte. Il passa à travers le sabord et pénétra dans la cabine. Mais à peine y était-il que la porte s'ouvrit, un gros homme à face bestiale entra. Iko Teruka, qui n'avait pas eu le temps de se cacher, prit un maillet posé sur une table à portée de sa main et l'abattit sur le crâne de l'individu qui tomba assommé.